La chronique cinéma. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Tu deviens complètement con ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je te parle de ton fils. Mais enfin ! Lutin, malin, pestil ! Waouh ! Je la veux encore ! Ça ne doit plus arriver ! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver ! Franchement ! Ici Hubert Félix Typhon, vous écoutez Radio Bonco. C'est à moi. Je suis Marraine la Bonne Fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurices, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Aujourd'hui, petite sélection de films qui font du bien. Des films à dominante jaune ou couleur primaire, qui les rendent chaleureux, pas forcément très joyeux, mais qu'on aime voir et revoir et qui ont l'effet de peluche réconfortante en ces temps difficiles. Comme on dit chez les boncons, des films qui font tout chaud dans le clacos. Oh yeah ! En numéro 1, on revoit Submarine de Richard Ayoed. Réalisé en 2011, ce film britannico-américain raconte l'histoire d'Oliver Tate, 15 ans, garçon super intelligent et narrateur de sa propre vie, roi de la philosophie et de l'absurde. Oliver nous conte la joie d'être un adolescent dans un coin paumé de l'Angleterre, traversant les vastes problèmes de communication avec sa famille et l'ennui environnant en se construisant un petit univers haut en couleur avec sa copine. Univers bercé par une BO magistrale, effectivement, lorsqu'on est forcé de rester à l'intérieur, quoi de mieux que d'écouter Alex Turner. The face of a stopwatch on the back of a raindrop, and did a swap for the sand in an hourglass. I heard an unhappy ending, it sort of sounds like you leaving. I heard the pile driver was, it woke me up this morning. En numéro 2, je vous suggère Moonrise Kingdom, réalisé en 2012. Septième long métrage de notre ami Wes Anderson, l'histoire se passe en 1965 sur une île de la Nouvelle-Angleterre. Dans un camp scout, au cœur de l'été, Suzy et Sam, 12 ans, tombent amoureux et décident de s'enfuir pour vivre leur idylle passionnelle. C'est un film magnifique et trop mimi, superbement mis en scène, avec la symétrie parfaite que l'on connaît bien à Wes Anderson, un de ceux qui font partie des films jaunes comme Madame Mona aime à les appeler. Et comme en ce moment c'est le temps de l'amour, le temps des copains, voici un petit bout d'une des meilleures scènes du film. Et pour finir, petit film d'animation qui lui aussi fait tout chaud dans le clacos. Les triplettes de Belleville, réalisé en 2003 par Sylvain Chaumet. Il raconte l'histoire de Madame Souza, dont le neveu cycliste prétendant au Tour de France se fait enlever par la mafia française. Avec la complicité de trois vieilles dames, elles vont essayer de braver tous les dangers pour le délivrer. Super film avec des mamies attachantes et une musique entraînante que vous connaissez sûrement. Machine à clous, moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Swinging down the rendezvous, my girl dancing dirty low. Oh, don't cry. Avant de nous quitter, je vous propose un petit jeu concours. Citez-moi un film dans lequel se trouve un mec qui s'appelle Jean. Attention, t'argent, c'est de la triche. Le gagnant gagnera une bière à la prochaine route du rock. Et si tu ne vas pas à la route du rock, le gagnant gagnera une bière à notre prochaine rencontre. Ce qui revient quasiment au même vu comment on est parti. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre chronique cinéma. En attendant, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières, mangez des légumes, écoutez de Céline Dion et surtout restez branchés sur Radio Bon Con, la radio des bons cons. Oh yeah! La chronique cinéma. C'est pas quoi faire. Est-ce que je fais? Tu te dis complètement con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin. Lutin, malin, pestil. Waouh! Je la veux encore! Ça ne doit plus arriver! Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver! Franchement!